بسم الله الرحمن الرحيم. سنقول اليوم في سؤال الواحد بعد المئة. 101 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى أن قول الإنسان متسخطا لو أني فعلت كذا لكان كذا، أو يقول لعنة الله على المرض والذي أعقاني. Donc il était interrogé l'auteur à propos d'une personne qui parlerait sous la colère et qui dirait « si j'avais fait telle et telle chose, il serait passé telle et telle chose ». Ou qu'ils disent que la malédiction d'Allah soit sur cette maladie, c'est elle qui m'a bloqué. C'est-à-dire le fait qu'ils sont malades, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. « Fa'ajaba rahmahullahu ta'ala »« Iza qala law fa'altu kaza lakana kaza nadaman wa sakhatan » على القدر فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح أعمال الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Donc il a dit si une personne dit si j'ai fait telle ou telle chose il se serait passé telle ou telle chose, et cela en étant mécontent du destin, cela est interdit, cela est haram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de préoccupe-toi de ce qui te profite et recherche de l'aide auprès d'Allah et ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Et si jamais quelque chose t'atteint, alors ne dis pas si j'ai fait telle et telle chose, il se serait passé telle et telle chose. Car si, en fait là le mot si c'est en arabe on l'appelle law, d'accord, c'est pas tous les si qui sont concernés par ce hadith, mais là ce sont les si qui remettent en question une chose qui s'est déjà déroulée. Donc si on dit law en arabe ouvre les portes à Shaitan, cependant dit que Allah l'a prédestiné et ce qu'il veut il le fait. هذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور فإنما شاء الله كان ولم يشاء وما لم يشاء لم يكن. Donc c'est ça qui est obligatoire pour la personne de faire ce qui lui a été ordonné et de se soumettre à ce qui lui a été prédestiné. Car ce que Allah a voulu a forcément lieu. Ce qu'il n'a pas voulu ne se produit pas. أما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله عز وجل فهذا من أعظم القبائح ولعذ بالله لأن اللعنة للمرض الذي هو من تقدير الله تعالى بمنزلة سب الله عز سبحانه وتعالى. Et maintenant le fait de maudire la maladie, car cette maladie c'est Allah عز وجل qui te l'a fait subir et qui l'a prédestiné. Cela est parmi les plus grandes immondités que la personne puisse prononcer, d'insulter la maladie. D'accord ? Car cela revient à insulter Allah Azza wa Jalla, car c'est Allah qui a prédestiné cette maladie sur toi. Comme le vent, comme le temps dont on a parlé dans les autres questions précédentes, tout cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose qui est indépendante de ta volonté. La maladie est une chose que, parfois c'est vrai, on peut s'exposer aux causes qui nous la font subir, mais en réalité, c'est une chose qui nous vient et qui ne part pas selon notre désir. Quand on tombe malade, personne n'aime tomber malade en général. Donc la maladie ne part qu'en faisant des causes de guérison, si Allah le veut qu'elle parte. Naam. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est venu où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à une femme de maudire la fièvre. Car elle avait dit, « La barakallahu fi yadi al-humma. » Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La tasbu al-humma. » Il a dit, « N'insulte pas la fièvre, car la fièvre, justement, vient pour t'expier de tes fautes, te purifier de tes fautes, de tes péchés. » فعلى من فعل مثل هذه الكلمة أو من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى دينه وأن يعلم أن المرض بتقدير الله وأنما أصابه من مصيبة فهو ما كسبت يده وما ظلمه الله ولكن كان هو الظالم لنفسه. Donc celui qui prononce une telle parole, il doit faire tawba et revenir vers sa religion et qu'il sache que cette maladie ne l'a atteint que parce que Allah prédestiné. Et que ce qui le touche comme mal, cela est pour ce que ses mains ont accompli. Allah n'est injuste envers personne, mais c'est la personne qui est injuste envers elle-même. Hada. ثم قال في سؤال الثاني بعد المئة. Sans deuxième question. سؤال الشيخ رحمه الله عن هذه العبارة المكتوب على جبين لابد أن تراه العين. فهل المقدر على الإنسان يكون مكتوبا على جبينه أم ماذا؟ Donc il a été interrogé, رحمه الله تعالى, à propos d'une expression qui est que le maktoub, c'est-à-dire ce qui est prédestiné, est écrit sur le front. Et l'œil est obligé de le voir. Ton destin est écrit sur ton front et l'œil est obligé de le voir. Donc la personne demande est-ce que cela est vrai. فأجاب رحمه الله تعالى هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على جنب أو على الجبين ما يكون على الإنسان لكن الآثار هذه ليست إلى ذلك في الصحة بحيث يعتقد الإنسان مدلولها. Donc il a dit, il y a des athars qui sont venus, des paroles provenant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou probablement des sahaba qui leur sont attribués, qui indiquent cela, que le destin, ce qui destine la personne, est écrit sur son front. Cependant, tous ces athars, tous ces témoignages, toutes ces paroles, n'ont rien d'authentique, au point que la personne bâtisse dessus une croyance. Rien de cela n'est authentique, au point d'être plus en considération. فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه في بطن أمه أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. Cependant, les hadiths authentiques sont venus pour dire que l'être humain, son destin lui écrit alors qu'il est dans le ventre de sa mère, comme dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qui est connu. Et que son terme de vie est écrit, ses œuvres sont écrites, son risque lui est écrit, c'est-à-dire sa subsistance. Et est-ce qu'il est parmi les gens de la réussite ou les gens damnés? Tout cela est écrit à l'avance. Car Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il va faire. Et sait ce qu'il mérite. Cependant, cela ne s'oppose pas au fait qu'il aura le libre choix d'agir par lui-même par la suite. Naam. Hadha alladhi qala al-yawm. Walhamdulillahi rabbil alamin.